face noire, oh noir, four noir, triche de bleu. Et du shit magique dans un cartmatique. Hein. Astique, astique, et je te paye un bonnet de plus en plastique. Et reviens me faire elle rêver quand tu auras la théorie et la pratique. Que du shoot star, je m'anigui pour monter sur des deux tes la Libye. Airbnb, 30 avant midi, c'est mieux qu'être une star du R&B. Je t'aime bien, mais tant pis. Tu fais le choix, on fait le choix, assume. On revient pas sur ce qu'on dit. Lundi, lundi, midi, minuit, y'a le menu. Hey, virement, play safe. C'est jamais la cata, j'avais déjà le sourire quand j'étais en gada. Mets-toi des balcons, on prend le haut du classement et on prend ta zarga. À minuit, l'heure des ennuis. C'est la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans l'huracan, tous les dévercan. Je laisse 10 bouteilles sur la table, j'suis sur le 11, Bruncha. Elle va me laisser en PLS, en promenade en t-shirt TLS. Okay.